Quatrième partie, chapitre 6, sixième section, l'accusation des péchés au confesseur. Après vous être bien disposé à la confession par l'examen, la douleur et le bon propos, que ferez-vous ? Après m'être bien disposé à la confession par l'examen, la douleur et le bon propos, j'irai faire au confesseur l'accusation de mes péchés pour en avoir l'absolution. De quel péché sommes-nous obligés de nous confesser ? Nous sommes obligés de nous confesser de tous les péchés mortels, mais il est bon de confesser aussi les véniels. Quelle qualité doit avoir l'accusation des péchés ou confession ? Les principales qualités que doit avoir l'accusation des péchés sont au nombre de cinq. Elle doit être humble, entière, sincère, prudente et brève. Que signifient ces mots « l'accusation doit être humble » ? Il signifie que le pénitent doit s'accuser devant son confesseur sans arrogance dans l'esprit ou les paroles, mais avec le sentiment d'un coupable qui reconnaît sa faute et comparaît devant le juge. Que signifient ces mots ? L'accusation doit être entière. Il signifie qu'on doit manifester avec leurs circonstances et leur nombre tous les péchés mortels commis depuis la dernière confession bien faite et dont on a conscience. Quelles circonstances doit-on manifester pour que l'accusation soit entière ? Pour que l'accusation soit entière, on doit manifester les circonstances qui changent l'espèce du péché. Quelles sont les circonstances qui changent l'espèce du péché ? Les circonstances qui changent l'espèce du péché sont, premièrement, celles par lesquelles une action coupable, de vénielle qu'elle était, devient mortelle. Deuxièmement, celles par lesquelles une action coupable contient la malice de deux ou plusieurs péchés mortels. Donnez-moi un exemple d'une circonstance qui fasse devenir mortel un péché véniel. Celui qui, pour s'excuser, ferait un mensonge d'où résulterait un grave dommage pour le prochain, devrait manifester cette circonstance qui, d'officieux, rend le mensonge gravement pernicieux. Donnez-moi maintenant un exemple d'une circonstance par laquelle une même action coupable contient la malice de deux ou plusieurs péchés. Celui qui aurait dérobé une chose sacrée devrait accuser cette circonstance qui ajoute au vol la malice du sacrilège. Si on n'était pas certain d'avoir commis un péché, devrait-on s'en accuser ? Si on n'était pas certain d'avoir commis un péché, on ne serait pas obligé de s'en confesser. Et si on voulait l'accuser, on devrait ajouter que l'on n'est pas certain de l'avoir commis. Que doit faire celui qui ne se rappelle pas exactement le nombre de ses péchés ? Celui qui ne se rappelle pas exactement le nombre de ses péchés doit en accuser le nombre approximatif. Celui qui, par oubli, a tué un péché mortel ou une circonstance nécessaire, a-t-il fait une bonne confession ? Celui qui, par pur oubli, a tué un péché mortel ou une circonstance nécessaire, a fait une bonne confession, pourvu qu'il ait apporté à s'en rappeler tout le soin qu'il devait. Si un péché mortel oublié en confession revient ensuite à l'esprit, sommes-nous obligés de nous en accuser dans une autre confession ? si un péché mortel oublié en confession revient ensuite à l'esprit, nous sommes certainement obligés de l'accuser la première fois que nous allons nous confesser. Quelle faute commet celui qui, par honte ou par quelque autre motif coupable, cache volontairement un péché mortel en confession? Celui qui, par honte ou par quelque autre motif coupable, cache volontairement un péché mortel en confession, profane le sacrement et se rend par suite coupable d'un très grave sacrilège. Que doit faire pour mettre en ordre sa conscience celui qui a caché volontairement quelque péché mortel en confession? Celui qui a caché volontairement quelque péché mortel en confession doit faire connaître au confesseur le péché qu'il a caché, dire dans combien de confessions il l'a caché et refaire toutes les confessions depuis la dernière qui fut bien faite. Quelle considération doit faire celui qui serait tenté de cacher quelque péché en confession? Celui qui serait tenté de cacher quelque péché grave en confession doit considérer, premièrement, qu'il n'a pas eu honte de pécher en présence de Dieu qui voit tout. Deuxièmement, qu'il vaut mieux manifester ses péchés en secret à un confesseur que de vivre toujours inquiet dans le péché, de faire une mort malheureuse et d'être couvert de confusion devant tout le monde au jugement général. Troisièmement, que le confesseur est obligé au secret sacramentel, qu'il ne peut violer sans commettre un très grave péché et sans s'exposer aux peines temporelles et éternelles les plus sévères. Que signifient ces mots « l'accusation doit être sincère » Il signifie qu'il faut déclarer ses péchés tels qu'ils sont, sans les excuser, les diminuer ou les augmenter. Que signifient ces mots ? La confession doit être prudente. Il signifie qu'en confessant nos péchés, nous devons employer les termes les plus modestes et que nous devons nous bien garder de découvrir les péchés des autres. Que signifient ces mots ? La confession doit être brève. Il signifie que nous ne devons dire au confesseur rien d'inutile. N'est-il pas pénible de devoir confesser ses péchés à un autre, surtout si ses péchés sont très déshonorants? Bien qu'il puisse être pénible de confesser ses péchés à un autre, il faut le faire, parce que c'est de précepte divin et qu'on ne peut obtenir autrement le pardon des péchés commis. Et de plus, parce que la difficulté qu'on éprouve à se confesser est compensée par de nombreux avantages et de grandes consolations.